Paris. On a notre propre salut, on a notre propre manier. Chez nous c'est le 7-7. Notre rue c'est celle des Lilettes. Et le meilleur restaurant de Shell s'appelle Gambetta Grec. On a notre propre langage et c'est le zère. On connaît les recoins de la ville mieux que le commissaire et le maire. Chez nous y'a la majorité des nègres du MA3. Et les freestyles se faisaient chez les Mabasa. Chez nous y'a tout ce que tu veux, tout ce que t'as envie. Mais n'oublie pas que l'envie atteint très vite la jalousie. Quant aux ennemis on les attend le pied ferme. Chez nous y'a que des têtes brûlées qui n'ont pas peur de prendre du ferme. C'est des CP, des conflits entre nous. C'est malheureux mais y'a aucun mouton, y'a rien que des loups. Le pire ce n'est pas une vie comme celle-ci. Chez nous on mange, on boit, on fume, tandis qu'au plaid c'est la zèvre. 77 rien que des frais gars. 77 bois ou casse-toi. 77 furieux et calme à la fois. 77 plus de prédateurs que toi. 77 rien que des frais gars. 77 bois ou casse-toi. 77 furieux et calme à la fois. 77 plus de prédateurs que toi. J't'explique si tu t'amènes à Yep. Yep, ton ticket direction banlieue est. Comme chez vous, l'école boxe la pète. Ils jouent les cacous, provoquent des prises de bec. Pour que dalle, les petits t'agressent. Les grands sont devenus petits victimes de paresse. Personne ne prend le temps, tout le monde se presse. Tout le monde se perd, tout le monde se cherche. On a des couilles, les poules aussi. Notre boulot c'est la débrouille, pas d'embrouille ici. C'est balèze, c'est space, c'est crème. Opérationnel contre l'ordre et les chaînes. Où les bourgeois ont élu domicile. Où tu ne chies pas chez toi, où tu dois rester tranquille. C'est fourni, l'inspiration ne manque pas. L'enfer n'est pas loin mais nous gardons la foi. 77 rien que des frais gars. 77 bois ou casse-toi. 77 furieux et calme à la fois. 77 plus de prédateurs que toi. 77 rien que des frais gars. 77 bois ou casse-toi. 77 furieux et calme à la fois. 77 plus de prédateurs que toi. Donc on représente le 7-7. Plus grand département donc fais gaffe à 7-7. L'été chez nous c'est Kingston avec la verdure. L'hiver, l'automne ça squatte les holos dans la voiture. Le printemps le 7-7, voie rouge. La cagoule à la bicrave ça dort pas rien que ça bouge. On s'extrait du schéma classique des autres banlieues. La pensée 7-7 représentée par Balleux. Et si les femelles sont fans d'eux, on est des amoureux du rap, demande aux frères du 9-2. Cette musique est pour tous ceux qui habitent les coins dangereux. Ceux qui débitent, ceux qui font des dégâts, les rageux. Cette musique est pour tous ceux qui défendent leur sec et rejettent les amateurs de picous et de reniflettes. Hein. On débarque 7 en 2007, 7-7, Bélec, les esclaves sont devenus maîtres. 77 rien que des frais gars. 77 bois ou casse-toi. 77 furieux et calme à la fois. 77 plus de prédateurs que toi. 77 rien que des frais. 77 bois ou casse-toi. 77 furieux et calme à la fois. 77 plus de prédateurs que toi. Mmh.